Hey, ça c'est le son qui doit péter dans le casque. King de Boulogne, le répète, bah ouais les mal. Quand je vais dans le 4 allumé, je traque avec les kings de Bréval. On est là quoi, allumé Bréval. Le vrai combat. Dricky Mehdi, ZOXA. Le vrai combat. Tout pété au chromie. Vois mon sourire dans ta Porsche parce que tu l'as trop mis. Encore une version qui t'accroche, toujours sans compromis. Du vrai du frais, j'ai l'impression qu'on fait ce qu'on t'a promis. Je suis sur le bon chemin, mais j'en espère si peu. J'ai dû rapper sur parchemin, j'étais dans ça déjà tout petit peu. On inspire le respect, on réfléchit avant de rapper. C'est comme les jambes, on réfléchit avant de frapper. J'ai pas de tasse, mais garde ta place de maton à Macron. Moi je kiffe trop mes prods du 9-4 et mes rimes à la con. Quand mes semblables rêvent de 4-4, le cul dans un lago. On se met en 4 dans les bacs, le vrai combat nous placons. Économiste, c'était dans le bise, arrive les heures de diète. On veut tout prendre et on compte pas leur laisser une seule miette. C'est à la tâche que l'on s'est tué sous nos suites, ça pue. Il faut plus t'étonner que sur le beat ça tue. Le vrai combat, de l'humain à Boubou. Tu pensais quoi, pouvoir lâcher, de tenir debout. Là les combos, les faut jeter dans les tombeaux. Là les bonbons, on va tout péter dans la sono. Le vrai combat, de l'humain à Boubou. Tu pensais quoi, pouvoir lâcher, de tenir debout. Là les combos, les faut jeter dans les tombeaux. Là les bonbons, c'est quoi, tout péter dans la sono. Ouais. Premièrement, j'en mets la famille Yes. La vie est une chaîne, à la patron, on lui a pas mis de laisse. Ferme ta gueule, je lui ai dit, je dois faire du bif. Et je suis parti en guerre, combattre à mes du pic. Avec ou sans le bac, on fait 100 bars. De l'email à Marcel 100 bars, alors j'allure en balle vite. Si ça sent le shit, la beuh, l'alcool. Mais faut rester positif dans la lumière comme l'album. Qu'à des basiques, c'est la baisse. Si je t'ai baisé, que tu m'as rebaisé, il reste la belle fils. On veut la belle vie, évidemment. Mais nique sa mère, si l'argent y'en a pas suffisamment. On fera la zizanie avec nos raps. Et si ça te nique le moral, normal ton bas électoral. ZOXEA, Mehdi DRICKY. Ça déclasse comme des KNY. Le vrai combat. De l'humain à Boubou. Tu pensais quoi, pouvoir lâcher, de tenir debout. Là les combos, les faut jeter dans les tombeaux. Là les bonbons, on va tout péter dans la sono. Le vrai combat, de l'humain à Boubou. Tu pensais quoi, pouvoir lâcher, de tenir debout. Là les combos, les faut jeter dans les tombeaux. Là les bonbons, on va tout péter dans la sono. Moi je suis ce mec, qui a l'habitude d'être sincère. Des fois je me demande si dans cette vie ça sert. On te renvoie pas l'ascenseur si tu t'en sors. On te renvoie pas la CS sur c'est ça qu'on sort. Non, faut pas oublier la famille, nique sa mère. Les affamés, encore une fois, je viens t'informer. Ici d'une jeunesse qui a pas été formée sur un putain de format. La vie c'est dur et ça c'est formel. Nous on débarque avec notre formule. Le vrai combat, et s'ils font la reformule. Le vrai combat, ça c'est original. Ça, ça fait mal, ça, ça, ici attendez pas. Moi quand je débarque, mais derrière eux, ils entendaient pas. Et c'est normal vu qu'à la base, ils entendaient pas ça. C'est normal, ils nous attendaient pas, on était déjà arrivés à leur départ. Tu vois, ça vient du cœur et c'est sincère. T'en demandes encore car c'est censé. Mais pas censé dissocier mes associés. Le pactole, s'ils font ça soit t'aimes. Si t'es déçu, t'exprimes en sous-entendu. Tu prends les gens pour des malentendants. Y'a un malentendu, je crois qu'ils sont malentendus. Y'en a qui parlent d'unité, y'en a qui veulent tout niquer. Le vrai combat, de l'humain à Boubou. Tu pensais quoi, pouvoir lâcher, de tenir debout. Là les combos, les faut jeter dans les tombeaux. Là les bonbons, on va tout péter dans la sono. Le vrai combat, de l'humain à Boubou. Tu pensais quoi, pouvoir lâcher, de tenir debout. Là les combos, les faut jeter dans les tombeaux. Là les bonbons, on va tout péter dans la sono.